je me fais un dernier plongeon dans la mer et en route. Car je connais ces îles de Monos à Nassau, de Trinidad à Guantanamo, de Marie-Galante à Barbuda. Matelot au crâne rouille et aux yeux glauques, on m'appelle Chabin, le surnom en créole de tous les nègres rouges. Et moi, Chabin, j'ai vu ces taudis de l'Empire quand ils étaient un paradis. Je ne suis qu'un nègre rouge qui aime la mer. J'ai reçu une solide éducation coloniale. J'ai du hollandais en moi, du nègre, de l'anglais. Et soit je ne suis personne, soit je suis une nation. Greg Germain, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette traversée poétique qu'on retrouvera chaque jour dans notre émission ? Oui, je dois dire que les directeurs de cette radio, puisqu'il faut bien les appeler par leur nom, m'ont demandé de faire cette espèce de voyage qui est simplement une façon de retracer un petit peu mon itinéraire culturel à travers les textes que j'aime, qui sont toujours reliés à des épisodes de ma vie. Et celui-là, je raconte par exemple comment, effectivement, ou dans un pays aussi vaste que la France, où il y a des centaines de films et de documentaires qui sont produits chaque année, il y en a si peu en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer. J'ai pu rencontrer dans un festival de cinéma en Martinique des Barbadiens, des Cubains, etc. Et c'est un de ces Caribéens qui m'a donné l'envie de lire Walcott, de l'apprendre et finalement aussi de le jouer. Cette année, le Thomas décide de lancer sa radio et son émission Grand Large. Comment est née cette envie, cette initiative ? Elle vient directement de Marie-Pierre Housquet. J'avoue que si moi j'ai toujours eu, et lorsque j'étais président du HOF, Marie-Cécile le rappelait tout à l'heure, j'ai créé la télévision du HOF, la radio, je n'y pensais pas vraiment. Et puis finalement, Marie-Pierre avait parfaitement raison, puisque, et je relis encore ce que j'ai écrit à propos de la radio, je vais vous le lire, nous savons tous que par sa facilité d'accès et sa proximité, ce média accompagne plus que n'importe quel autre l'imaginaire des citoyens d'un pays et participe fondamentalement au mieux vivre ensemble national. Alors là, évidemment, c'est un grand mot, dire national, alors que c'est la radio du Thomas en Avignon, de façon très éphémère. Mais malgré tout, la radio, ce sont des empreintes qui restent, et ces empreintes sur lesquelles on pose les mots peuvent rester très longtemps. Alors, vous le savez, Greg, un festival, ça commence toujours par des préparatifs. Et Marie-Cécile Drécourt, bonjour. Vous êtes partie à la rencontre de plusieurs intervenants du théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné qui étaient en plein préparatif. Tout à fait. J'ai arpenté les couloirs de la Chapelle du Verbe Incarné pour interroger certains membres de l'équipe afin de comprendre leur rôle et surtout tester la température à quelques heures du début du festival. Je vous propose donc d'écouter dans l'ordre Séverine Nativelle, administratrice du lieu, Jean-Pierre Néposte, régisseur général, et Tepa Teourou et Touari Traki, deux des trois interprètes des Champignons de Paris. Le poste officiel, on va dire, c'est administratrice. Pas qu'on a dit ça, quand on est sur un festival, ça ne veut plus dire grand-chose. On passe de un chef cuisinier à serveur, à déménageur. Quand on arrive dans cette bâtisse, il faut tout remettre de toute façon au clair, à jour, au propre. Donc on est femme de ménage, on est administrateur, on est un peu psychologue des fois, parce que les équipes ne se connaissent pas du tout. Nous, on fait un patchwork, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens, on reçoit énormément de candidatures pour chaque festival, et puis on se dit, ce serait intéressant d'avoir, en plus des qualités professionnelles, des gens qui ont tel ou tel parcours de voyage, d'origine, de territoire, d'expérience, d'âge. Chaque festival est à la fois pareil et différent puisque les gens sont différents et c'est eux qui construisent les aventures humaines. Donc chaque aventure humaine, c'est chaque voyage en fait. Le festival, c'est vraiment un laboratoire de vie. Régisseur général. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un régisseur général ici ? Mon rôle, c'est d'abord d'appréhender toutes les questions techniques. Quelques questions administratives et puis dans le déroulement des choses apporter beaucoup de diplomatie pour la réussite du festival parce que ça brasse quand même pas mal de monde quoi. Ça brasse de monde, de langues différentes. Cette année on a des Coréens qui parlent coréen, qui parlent aussi un peu kurde d'ailleurs, c'est très surprenant, et un peu français. Pour travailler ici, il faut vraiment il faut de fortes attaches entre les gens. Il faut que tout soit prêt, nous sommes sommes dans les temps. Les premiers problèmes sont arrivés avant les premières aussi, donc ça va. Arrivé un truc tout con, c'est qu'une lampe casse juste avant le début d'un spectacle et qu'il va falloir prendre une décision à ce moment. Le technicien est surtout payé pour que, quand il y a un problème, le public et le comédien ne sait pas qu'il y a un problème. Ça va assez vite entre les techniciens. Ça se passe au regard assez souvent. Et ça ne ment pas, hein, c'est du vécu. J'ai une belle équipe. J'en changerai pas. J'essaie de la garder. On va voir. On est arrivé il y a une semaine à peu près. Eh ben, déjà, c'est fabuleux d'être ici. Hein. C'est magique. On a pu assister aux affichages. C'était vraiment surprenant. C'est comme si elles étaient apparues comme ça, comme par enchantement. Quoi. Moi, je connaissais du Festival d'Avignon ce que j'avais vu à la télé. Hein. Mais à part ça, voilà, moi-même, je n'avais jamais vécu en Avignon et tout. Et c'est beaucoup plus excitant de le vivre. Premier contact, c'était avec les régisseurs, bien sûr. Ils nous aident, ils cherchent des solutions à nos problèmes. Et c'est ça qui est important. Quoi. Quand il y a un problème avec eux, il y a toujours une solution. On a rencontré aussi l'équipe de certaines autres pièces. Je suis lié d'amitié avec... David, voilà, un Coréen. Et du coup, c'est beau aussi ça. Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant dans le Festival d'Avignon, c'est les rencontres. Moi, en fait, tout m'a surpris dans le bon sens, on va dire. Déjà, on est parti voir le pont d'Avignon. Vous savez, on est à 20 000 km, mais même dans nos écoles maternelles, on chante sous le pont d'Avignon, voilà, depuis la maternelle. Et ça a été la première chose qu'on a voulu voir quand on est arrivé à Avignon. Pas de stress, mais beaucoup d'excitation. On avait vraiment hâte de venir et de vivre cette expérience. Comme vous avez pu l'entendre, il y a une belle énergie et beaucoup de complicité qui anime cette équipe. Dès demain, je vous proposerai des portraits d'artistes reçus sur le plateau afin de parler de leur parcours et de ce qui les amène au Festival d'Avignon. Eh bien, merci Marie-Cécile. À présent, quelques mots d'Edouard Glissant. Parole d'Edouard Glissant, une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde. 1957. Participante aux travaux de la Société africaine de culture, fondée un an auparavant à l'issue du premier congrès des écrivains et artistes noirs, Edouard Glissant, âgé de 29 ans, prononce une série de conférences visant à définir les particularités, dit-il, de ce que l'on pourrait appeler les littératures nègres. Écho révélateur d'une préoccupation critique marquée par les théories de la négritude, la conférence que nous allons entendre, diffusée dans l'émission « Connaissance de l'homme » présentée par Maurice de Gandillac sur la RTF, interroge le statut même d'une littérature alors naissante et en devenir. Existe-t-il des écrivains nègres ? Si, en effet, des écrivains comme Aimé Césaire pour la langue française, Richard Dwight pour la langue anglaise, Nicolas Guillen pour la langue espagnole, sont considérés comme faisant partie des meilleurs de ce temps, pouvons-nous dire qu'il y a entre eux une relation évidente ? Cette question me paraît pertinente pour la raison que si une littérature nègre existait déjà de manière définitive, avec des normes et des dogmes, nous n'aurions précisément pas à traiter d'une possible intégration, d'une possible rupture de cette littérature par rapport à la littérature française, par exemple. Rupture ou intégration serait chose accomplie. Cette question, intégration ou rupture, ne peut intervenir que dans le cas d'une littérature à l'état de projet, de tendance, et non dans celui d'une littérature déjà fixée. Mais aussi, une telle question ne se poserait pas pour une littérature inexistante, je veux dire qui n'aurait aucune chance d'aboutir. Cette question de l'intégration ou de la rupture a donc une importance capitale, en ceci qu'elle permet d'abord de poser la littérature nègre comme littérature en devenir, qu'on ne peut considérer en soi dans la lettre des œuvres produites, mais dans un mouvement, une projection, un futur. Ainsi, quand je pose cette question de l'intégration ou de la rupture, je postule dès l'abord

La radio du Thomas vous propose de gagner des places de théâtre et des cadeaux en répondant à la question suivante. Alors, dans quel célèbre opéra de Gluck créé en 1762 peut-on entendre l'air « J'ai perdu mon Eurydice » ? Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de la Chapelle du Verbe Incarné pour y répondre. Alors à présent, nous allons découvrir le spectacle « Le mariage du diable ou l'ivrogne corrigé » de Gluck. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Claude Botius, bonjour. Bonjour. Benjamin Laurent, bonjour. Bonjour. Et Julie Timmerman. Alors vous êtes respectivement comédienne et chanteuse Marie-Claude. Vous, Benjamin, vous êtes le directeur musical de cet opéra comique dans lequel on vous retrouve également au piano. Tout à fait. Et Julie Timmerman, vous avez fait la mise en scène de ce spectacle. Comment s'est créé en fait ce regroupement d'artistes ? Le regroupement d'artistes s'appelle Caribe Opéra. Nous avons vu en quelques années que nous étions nombreux à être des artistes lyriques antillais de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, également des territoires d'outre-mer. Nous avions de la difficulté à vendre nos projets de façon individuelle, notamment aux Antilles, et nous avons décidé de nous regrouper pour être tout simplement plus forts. Pour premièrement mieux être visible au sein de la métropole en tant qu'artiste lyrique antillais, également inscrire l'art lyrique de façon plus permanente en Outre-mer, avec des programmes, avec des concerts, des spectacles, et également susciter des vocations auprès des jeunes qui là-bas ne bénéficient pas de conservatoires régionaux par exemple, et qui aimeraient embrasser les carrières de l'art lyrique. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne. Nous avons depuis plusieurs années maintenant développé des concerts. À chaque fois, nous avons des standing ovations dans le public. Il y a un vrai engouement. La Martinique et la Guadeloupe notamment adorent le chant et adorent l'art lyrique et sont d'autant plus émus de voir que leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux, leurs nièces, en quelque sorte, sont sur scène et ont, avec succès, embrassé des carrières d'exception, des carrières haut de gamme en quelque sorte, voilà. Alors Julie Timmerman et Benjamin Laurent, comment en fait s'est articulé le mélange entre la mise en scène théâtrale et l'opéra ? Comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux ? Je dirais que c'est vraiment un travail à quatre mains, hein, vraiment. C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose en tout cas contre lequel je lutte en permanence dans le monde de l'opéra, parce que je l'ai constaté moi beaucoup comme chef de chant, quand j'ai travaillé sur des grosses productions, c'est une sorte de cloisonnement. Un cloisonnement entre la direction musicale et l'univers théâtral, avec parfois des metteurs en scène et des chefs d'orchestre qui se retrouvent, qui n'ont pas eu le temps de parler du spectacle que l'un et l'autre veulent et qui se retrouvent dans un temps très court à devoir travailler ensemble pour le meilleur et souvent quand même pour le pire. Et bon, moi j'ai la chance, on va pas s'en cacher quand même, de partager ma vie avec Julie Timmerman. Donc déjà le travail en commun a quand même été plus facile, puisqu'on pouvait aussi travailler en dehors de nos temps de travail, vraiment de répétition avec les chanteurs. Et je dirais en tout cas qu'on a réfléchi le spectacle ensemble, chacun ayant des idées. Moi j'apportais quelques idées, Julie me disait si ça pouvait fonctionner ou pas. Dans une dramaturgie d'ensemble, une cohérence, et puis du coup c'est vrai qu'on a pu préparer tellement en amont que quand on est arrivé au moment des répétitions, on avait des choses déjà très très avancées, déjà très précises à proposer aux chanteurs. Moi je tiens quand même à préciser qu'il y a beaucoup d'opéras dans lesquels les scènes parlées et le théâtre est très important. Donc il ne faut pas finalement faire une véritable différence entre le théâtre et l'opéra. C'est un débat qui pourrait durer longtemps, parce que depuis des siècles, depuis que l'opéra existe, il y a toujours des batailles où il y a cette phrase italienne « Prima la musica, dopo le parole ». Donc on a toujours cette espèce de débat, et l'équilibre il est trouvé quand justement entre la mise en scène, entre le metteur ou la metteuse en scène et le chef d'orchestre, ou la chef d'orchestre, il y a une symbiose, un vrai travail d'équipe. Quand ça marche, dans tous les opéras, ça fonctionne. Même ceux où finalement les scènes parlées ou la partie théâtrale en apparence n'est pas aussi criante que ce que nous on a fait. Patrice Chéreau, par exemple, c'est un exemple majeur de metteur en scène pour qui la mise en scène était extrêmement importante, alors qu'il mettait en scène des opéras, et les opéras de Wagner notamment. Tout à fait. En fait, moi, j'ai l'impression que le moment où les gens sur scène se mettent à chanter, c'est que c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autre moyen d'exprimer ce qu'il y a à exprimer, c'est le meilleur moyen qu'ils ont pour l'exprimer. Donc si on trouve cette nécessité de la parole, les choses se font toutes seules. Et ce que je trouve exceptionnel et que je voudrais saluer, c'est que je me rends compte maintenant de l'exigence que j'ai eue envers les chanteurs. Ils font vraiment les pieds au mur pendant une heure, ils n'arrêtent pas de voilà, je les ai vraiment fait travailler comme des acteurs, et en plus de ça ils doivent chanter, donc voilà, physiquement c'est très fort et il y a une très belle homogénéité entre toutes ces personnalités. Et puis ça a été un aller-retour permanent, si vous voulez, de travail au fur et à mesure des essais qu'on faisait sur scène. C'est-à-dire, moi j'estime en tout cas que mon travail en tant que directeur musical, c'est pas seulement de faire travailler les chanteurs pour obtenir une qualité musicale rêvée, c'est aussi de m'adapter au désir de Julie sur scène. C'est-à-dire que, si vous voulez, le grand problème, je dirais aussi, d'un metteur en scène quand il fait de l'opéra, c'est que la musique dicte son propre temps. Il n'est pas le maître absolu du temps, puisque la musique, voilà, elle influe sur un tempo. La musique, elle raconte quelque chose, elle est une force, si vous voulez. Et après, le jeu du metteur en scène, c'est est-ce qu'il épouse cette force, est-ce qu'il, au contraire, il va dans le sens inverse, parce qu'évidemment, voilà, on n'est pas obligé, quand un tempo est rapide, que tout se passe très rapidement sur scène. Au contraire, parfois, on peut s'amuser à créer des décalages. Puis parfois aussi, Julie, elle a besoin de temps sur scène, à moi aussi d'être capable, musicalement, de l'aménager. Un exemple très concret, c'est que quand Julie a commencé à vraiment travailler la place du carnaval dans notre pièce, la nécessité d'avoir un percussionniste s'est imposée. Alors que, si vous voulez, elle n'était pas... J'en rêvais quelque part, mais je commençais à imaginer, en tout cas, de pouvoir travailler sans. Et puis, finalement, plus on a travaillé le spectacle avec Julie et, en collaboration vraiment étroite, plus on s'est dit, non, mais en fait, c'est impossible de faire ce spectacle sans la présence quasi permanente d'un percussionniste qui va tout de suite, de toute façon, voilà, nous introduire par son jeu dans un univers bien particulier. Donner la couleur carnaval. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et ce qui est fort, c'est d'avoir des musiciens, un directeur musical et des instrumentistes aussi qui veulent bien suivre ça. Parce que couper tout d'un coup un air en deux, parce que tout d'un coup il y a une idée de mise en scène, de jeu qui peut amener du sens dans l'histoire, ça, c'est, y a des gens qui auraient refusé. Or, c'est complètement justifié, tout le monde le reconnaît et tout le monde veut bien le faire. Bah, en tout cas, cet équilibre, on le voit bien dans le spectacle et on le retrouve aussi parce que vous avez vraiment créé un mélange de cérémonies traditionnelles, donc du vaudou. Et d'un seul coup, on peut passer à la compagnie créole revisitée. Donc c'était cette volonté aussi. La compagnie créole n'est pas dans le spectacle. Oui, mais il y a cette idée mais un petit peu cas, de choses oui, très contemporaines. Ouais. On a effectivement intégré... Donc en fait, voilà, c'était ça l'idée. L'idée, c'est que le mariage du diable ou l'ivrogne corrigé pouvait être utilisé par le collectif Carib Opéra, car il avait un titre qui pouvait complètement s'adapter au carnaval martiniquais et au Diable Rouge, bien connu des Martiniquais, qui sort chaque année, chaque Mardi Gras. Donc, partant de ce point de départ, oui, on pouvait s'approprier cette œuvre. Et comme cette œuvre était créée à une époque où on insérait des mélodies populaires, et là, Benjamin pourra un peu développer ce point, nous avons voulu aussi intégrer nos propres musiques populaires. Et c'est pour ça que petit à petit, à force de travailler et de rechercher des musiques qui pouvaient s'imbriquer avec celles de Gluck, même si elles ont des siècles d'écart, nous avons effectivement intégré des chants populaires, mais je dirais pas vraiment de la période de la compagnie créole, des chants peut-être un peu plus anciens. Après, voilà, ce qui est merveilleux, je trouve, dans cette pièce, c'est qu'elle nous plonge tout de suite dans une période quand même du théâtre qui, tout en étant connue, l'est un peu moins, je dirais, que les autres. C'est la grande période du théâtre de la foire. Et le théâtre de la foire, c'est aussi, moi, ce que je dirais, après Julie me contredira peut-être ou pas, c'est le théâtre bout de ficelle aussi. Hein, c'est quand même des comédiens qui, sur les places de Paris, pendant les grandes fêtes commerciales de Paris, qui étaient les fêtes de Saint-Laurent et de Saint-Germain, se produisaient avec très peu de moyens, hein, qui, voilà, un peu comme le Festival d'Avignon, d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est un peu comme le Off d'Avignon, en tout cas, c'est-à-dire qu'on prend un garage, on le transforme en théâtre, et on accueille des gens avec les moyens du bord. Et c'est vrai que le théâtre de la foire, c'était ça, c'était du théâtre de tréteau, le théâtre d'artifice, avec des artifices visibles, des canaux va souvent très simple, et effectivement cet aspect absolument génial pour un musicien qui est que une partie des livrets était chantée sur des mélodies populaires que le public connaissait très bien au XVIIIe siècle et qui était détournée pour les besoins effectivement dramaturgiques du livret. Donc évidemment il y avait ce double sens que les gens entendaient un texte qui était le texte de la pièce, qui frottait avec le texte original de la chanson qu'il connaissait. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le vaudeville. Alors pour moi, il me paraissait évident que transposant la pièce dans le Carnaval des Antilles, il nous fallait aussi défendre le répertoire créole, qui est un répertoire musical extrêmement riche et des mélodies que, en tout cas aux Antilles, tout le monde connaît très bien. Et en parlant de carnaval, vous avez vraiment décidé de jouer à fond la carte du burlesque et de l'humour. Alors, moi, la première chose, c'est que c'était une farce. Il faut bien penser que les farces de Molière viennent vraiment de la même origine. C'est une farce avec une histoire très simple. Une femme qui vit avec un alcoolique. L'alcoolique veut marier sa nièce à son pote alcoolique, sauf que la nièce est amoureuse déjà d'un jeune homme et hors de question d'épouser l'autre. Et du coup, ils arrivent à convaincre la tante de les transporter dans la cave, de leur faire croire qu'ils sont morts et qu'ils sont en enfer. Et donc, le fameux diable rouge apparaît, leur fait tellement peur qu'ils finissent par renoncer à l'alcool et Mathurin finit par signer le contrat de mariage entre Cléon et Colette, les deux jeunes gens. Donc finalement, c'est le carnaval et le théâtre qui viennent au secours de l'amour. Et quand on lit la farce comme ça sur le papier, on se dit, ok, donc à l'époque, tout le monde était plus ou moins misogyne, probablement la femme, elle courait après son mari en lui tapant dessus, t'as encore bu. Bon, c'était hors de question qu'on monte ça au 21e siècle, on s'est beaucoup posé la question. D'ailleurs, il y a eu des modifications de texte, non seulement pour créoliser certains passages, mais surtout pour qu'on raconte vraiment l'histoire comme on a envie de la raconter aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a cette histoire de conflit de génération dont parlait Benjamin, et il y a l'histoire aussi de ce que c'est la vie avec un alcoolique qui revient tous les et qui peut tout d'un coup être violent sans même s'en apercevoir. Et je pense que ça n'enlève rien à la farce de raconter cette histoire. Ça donne de la profondeur à des personnages qui peut-être n'en ont pas beaucoup au départ. Une vraie profondeur avec des enjeux sociaux, humains, et ce qui n'enlève rien à la farce, puisque comme ça se passe pendant le carnaval, on a les deux ivrognes qui sont travestis, parce que ça c'est un des éléments du carnaval antillais, il y a un jour où les hommes sortent travestis en femmes. Nous avons le diable rouge, nous avons énormément de burlesque, effectivement, et notamment dans la deuxième partie, qui est la partie où on est en enfer et où on essaie de leur faire peur. Donc voilà, comme tout est une mascarade, il y a énormément d'humour là-dedans. L'intérêt pour nous du carnaval, c'était que, premièrement, nous pouvions montrer ces hommes dans cet état de libération totale, puisque c'est la période du carnaval, et qu'effectivement, le lundi gras, on parle des mariages burlesques. Donc c'est le clin d'œil, c'est le mariage du diable, c'est le mariage burlesque, les hommes sont habillés en femmes. Et l'intérêt également, c'était de pouvoir montrer le rapport, donner plus de profondeur, le rapport entre la période du carnaval où tout le monde s'amuse, où on est extrêmement gay, où justement on explose dans tous ses sentiments, mais qu'en même temps, il y a un drame familial. Donc ça donne aussi une espèce d'ampleur à ce qui se passe dans la dramaturgie et dans vraiment tout le déroulement du spectacle. Et puis c'est beau de penser que c'est le théâtre qui vient au secours de l'amour contre la tyrannie. Eh bien, merci à vous trois d'être venus nous rendre visite sur Grand Large. Je rappelle que votre spectacle se joue jusqu'au 11 juillet à 12h05 au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Merci à vous. Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lelay du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise. Bonjour Nathalie Lelay. Vous êtes avec nous pour nous présenter vos nouvelles aventures culturelles. Bonjour, bel bonjour Avignon, bel bonjour Radio Thomas. Je suis très heureuse de vous présenter cette chronique du journal Antilla, qui est, rappelons-le, l'hebdomadaire historique de l'actualité martiniquaise, porté depuis 1981 par son fondateur, le sage monsieur Henri Pied. Vous vous demandez peut-être à quoi fait référence ce titre de Nouvelles Aventures Culturelles. Les territoires d'outre-mer français sont, pour la plupart, des territoires insulaires actuellement frappés de plein fouet par le bouleversement climatique. Chacun se souvient du passage de l'ouragan Irma l'année dernière sur les Antilles et de cette saison cyclonique épouvantable qui a mis les petits pays de la Caraïbe à genoux. Depuis décembre, ces mêmes territoires affrontent une marée d'algues sargasses, un phénomène sans précédent qui étouffe littéralement les îles. Et dans ces temps bouleversés que nous traversons, pendant qu'une petite partie de l'humanité s'emploie méthodiquement à exploiter sans relâche l'énergie humaine et les ressources naturelles, à exploiter le vivant jusqu'à épuisement, en piétinant le merveilleux du monde, il y a une force qui se lève partout sur la planète. Une nouvelle conscience s'éveille dans l'humanité. La conscience de l'interconnexion et de l'interdépendance de toutes choses vivantes amène des communautés humaines à œuvrer à un nouveau système éco-citoyen. Ici, nous allons parler des aventures artistiques qui contribuent à donner un nouveau sens à l'histoire de l'humanité. Des aventures qui tissent un nouveau paradigme en utilisant ce qu'il y a de plus fort et de plus beau dans les qualités humaines, la création, le partage, la solidarité et l'amour. Au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, la plupart des équipes artistiques qui se croisent depuis 20 ans s'emploient à tricoter, à nouer, à coudre des histoires et des liens entre les cultures, les patrimoines et les peuples du monde, devenus une sorte de grand village. Les histoires de ces artistes venus de l'archipel France sont des aventures culturelles inédites et parfois exemplaires dont la société civile peut s'inspirer. Ici, pendant ce Festival d'Avignon, nous allons trouver des liens entre les spectacles et les compagnies du Thomas et l'actualité culturelle des territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, le travail de Caribe Opéra nous ouvre la voie de la musique et du partage. En portant l'art lyrique auprès des artistes et des publics de Martinique et de Guadeloupe, ce collectif fait écho à la pensée d'Égouard Glissant qui plaidait pour une mondialité en forme d'échange. « Agis dans ton lieu, pense avec le monde », disait-il. Notre nouvelle aventure culturelle du jour, l'événement musical Jazz à la Pointe, elle aussi rétablit l'équilibre du donner et du recevoir. Le lieu de cette initiative est à la Pointe Fola, au Vauclin, sur la côte atlantique de la Martinique, qui est un hotspot des sports nautiques. Un musicien magnifique, Nicolas Lawson, vauclinois d'origine, revenu au pays après ses études, y a posé ses valises, son studio d'enregistrement, et a finalement créé ce rendez-vous désormais incontournable du jazz caribéen, Jazz à la Pointe. C'est en fédérant les volontés artistiques des musiciens de l'île, en impliquant les acteurs économiques locaux de tous les secteurs et en faisant appel à la participation de bénévoles venus du public que Nicolas a fait émerger cet événement résolument propagateur de bonnes énergies. Avec une équipe d'amis et de bénévoles, le Art Power Team Jazz à la Pointe propose désormais des rendez-vous réguliers autour du jazz avec des plateaux constitués d'artistes locaux et caribéens sur la plage de la Pointe Fola. Ces événements de proximité joyeux et bon enfant entraînent une véritable connivence entre les populations locales, les commerçants, les sportifs, les artistes et les touristes venus partager ces moments de musique en maillot sur la plage, un punch à la main, dans la pure tradition caribéenne. Jazz à la Pointe a donné le coup d'envoi de sa programmation des grandes vacances hier, dimanche 8 juillet, au village de la Pointe, et promet des tas de belles surprises pour la suite. Vous pouvez suivre leur actualité sur la page Facebook Jazz à la Pointe ou sur celle de Nicolas Lawson. Pour terminer cette première chronique, je vous laisse avec un son de Nicolas Lawson, tiré de son album One Way to the Sky, et je vous conseille d'aller visionner le clip sur YouTube, dont nous mettrons le lien sur le site. Belle journée à tous et bon festival! You don't love me, that's all I see. For all you wish me is about your self-interest. Though can't you see, honey, I'm doing my best. You don't know me. Now I can see. Cause all you remember are times of madness. Though we were most often living in sweetness. Maybe your thoughts are good, trying to change my manners. Your intentions are cool when you want it better. Look at the birds in the sky, you know we never miss food. While the moose high has a line, that's how I know what I do. I can do it cause I really want. You could never change the man I am. Though I know this race is really hard, I will keep the faith, heart of champion. I can do it cause I really want. You could never change the man I am. Though I know this race is really hard, I'll keep the faint heart of champion. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin pour l'émission Grand Large en direct de la chapelle du Verbe incarné. Alors bien sûr, on vous retrouve demain avec les comédiens du spectacle La Forêt des Illusions et également la photographe Leïla Adjovi. Alors d'ici là, écoutez-nous en podcast sur le site verbeincarné.fr et à partir de demain sur Aligre FM 93.1 à 19h. Pas tout fermé, pas tout fermé. Tout va tout.